étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Attendre comme je l'ai fait souvent. Mais j'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans chaleur.